Today, I wanted to give people the chance to ask questions if they had them, so that anything could be cleared up before you leave. So some things I may need to write on the whiteboard, so that's why the whiteboard is there. The first question, so maybe you want to say that. Aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait bien de donner la possibilité aux méditants de poser des questions, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute dans leur esprit lorsqu'ils rentreront chez eux. Il est possible que j'ai besoin du tableau, c'est pour cette raison que vous voyez qu'on a installé le tableau. La première question était la suivante. Lorsqu'on ne réussit pas à voir les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que devons-nous observer? Donc, lorsque les mouvements de l'abdomen on ne perçoit pas les mouvements de l'abdomen au début de la pratique, il est recommandé de mettre les mains sur l'abdomen de façon à sentir les mouvements. Si on fait ça, il est possible qu'on commence à les sentir. On continue à observer de cette façon et ces mouvements vont devenir sans doute de plus en plus clairs. Dès qu'ils sont devenus clairs, on enlève les mains. Il est possible également que lorsque la pratique se développe, mouvements dans l'abdomen deviennent imperceptibles. À ce moment-là, si on ne les perçoit plus, on ajoute deux objets. On ajoute la posture assise et le toucher. Et lorsqu'on observe ainsi la posture assise et le toucher, il est possible qu'après un certain temps, les mouvements de l'abdomen redeviennent clairs. À ce moment-là, on abandonne la posture assise et le toucher et on recommence à observer simplement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. La question suivante était, y a-t-il une intention d'inspirer et une intention d'expirer? Oui, effectivement, il y a une intention d'inspirer et une intention d'expirer, mais elle est très subtile et en général, on demande au yogi de ne pas trop s'en occuper parce qu'elle est tellement subtile, très difficile à percevoir. Mais on peut cependant constater qu'il y a bel et bien une intention. Lorsqu'on retient sa respiration, qu'on s'empêche d'inspirer, à un moment, cette intention va devenir très claire. Donc là, on peut voir que l'intention de respirer existe bel et bien. Mais pendant la méditation, on ne doit pas s'en occuper. Il n'est pas très utile d'essayer d'observer cette intention qui précède la respiration parce qu'elle est trop subtile. C'est trop difficile. Par contre, ce qui est très utile, c'est de prendre l'habitude d'observer attentivement l'intention au moment où on se met debout, lorsqu'on s'assied, lorsqu'on étend le bras, qu'on ouvre une porte. Tout cela est très utile et on doit prendre l'habitude d'observer l'intention qui précède tous ces mouvements. De cette façon, on va pouvoir réaliser les causes et les effets. Qui est-ce qui a posé cette question? Que devient la personne qui a réalisé la libération? Pour répondre à cette question, je vais tout simplement parler de la libération du Bouddha. Donc, il y a quatre types d'individus. Le premier, c'est celui qui sait par lui-même et qui n'enseigne pas. Le deuxième, c'est celui qui ne sait pas et qui enseigne. Le troisième, c'est celui qui ne sait pas et qui n'enseigne pas. Et le quatrième, c'est celui qui sait et qui enseigne. Le Bouddha appartenait à ce quatrième type. Donc voilà, en résumé, Sayadé va parler de la libération du Bouddha pour répondre à cette question. Elle explique que l'esprit est, en général, rempli d'impuretés. Il y a 10 sortes d'impuretés qui sont reconnues dans les Écritures. La première, c'est l'oba, le désir avide. La deuxième, c'est dosa, la colère. La troisième, c'est moha, l'ignorance. La quatrième, c'est mana, l'orgueil. La cinquième, c'est ditti, les vues incorrectes. La sixième, c'est visikicca, l'indécision. La septième, c'est inamida, la somnolence et la torpeur. La huitième, c'est l'agitation. La neuvième, c'est l'absence de honte. Et la dixième, l'absence de crainte de mal se conduire. Donc, pour ce qui est de moha l'ignorance, Sayali explique qu'elle est de deux sortes. Moha l'ignorance, c'est à la fois ne pas savoir et savoir incorrectement, ou ne pas savoir avec précision. Par exemple, une personne aveugle ne voit pas, elle est incapable de voir, Si elle a une personne qui a une cataracte, qui a une vision déficiente, verra mal. Elle ne verra pas tout à fait correctement. C'est la différence avec diti, qu'on traduit par vue fausse. Les vues fausses, c'est le fait de ne pas voir qu'on est composé de phénomènes physiques et de phénomènes mentaux, un point c'est tout. Il n'y a pas d'entité permanente qui serait la dépositaire de ces choses. Donc ne pas voir qu'il y a en nous que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interaction, c'est diti, les vues fausses. Ces vues fausses peuvent être éliminées par la pratique. Alors, Sayali continue en disant que le Bouddha, lorsqu'il a atteint l'illumination, a éradiqué complètement de son esprit ses 10 impuretés. La personne qui pratique la méditation vipassana va, tôt ou tard, réaliser la conscience du chemin. Il y a 4 consciences du chemin et 4 consciences du fruit. Lorsqu'elle atteint la première conscience du chemin, elle élimine 2 de ses impuretés, ditti et visikicha, le doute. Cette personne a expérimenté l'absence d'une entité permanente, elle élimine donc les vues fausses et elle élimine le doute. Elle n'est plus indécise à propos de la pratique. Le Bouddha, quand il a atteint l'illumination parfaite, l'état d'arhat, le 4e stade, s'est libéré des 10 impuretés. Mais revenons-en à la personne qui a réalisé le premier stade de sainteté, le sotapanna. Il a donc éradiqué ces deux impuretés. Il continue sa pratique, réalise le 2e stade de sainteté et atténue fortement loba et dosa. Il les avait déjà atténués dans leurs formes les plus grossières en atteignant le stade de sotapanna, le premier stade. Au 2e stade, il les atteignit encore plus. Au 3e stade, dosa, la colère, est complètement éliminée de l'esprit. Et au 4e stade de sainteté, l'orgueil est éliminé, l'ignorance est éliminée, la somnolence est éliminée, l'agitation est éliminée, l'absence de honte est éliminée, l'absence de crainte est éliminée. Cette personne a atteint la libération finale. Il s'est débarrassé totalement des 10 impuretés. Là, une autre question était, du temps du Bouddha, les gens atteignaient facilement l'état d'arhat, le 4e stade de sainteté, l'étape finale. Comment est-ce possible que de nos jours ce soit si difficile? Donc, il faut savoir que du temps du Bouddha, il y avait des gens, en général, les gens avaient un très bon karma. Ils avaient eu la possibilité, l'occasion, la chance de pouvoir rencontrer le Bouddha et d'entendre son enseignement. Il faut savoir également, d'autre part, que le Bouddha, étant parfaitement illuminé, avait la capacité de voir le caractère des gens et donc de leur donner un enseignement adapté à leur caractère, à leur tempérament. Ceci avait pour effet, bien sûr, que la personne allait pouvoir atteindre beaucoup plus rapidement des résultats dans sa pratique. Sayali explique que le Bouddha avait un fils. Ce fils s'appelait Rahula. Il était devenu novice à l'âge de 7 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'il a atteint l'état d'arhat, donc le stade final. Il a donc mis 13 ans pour atteindre l'état d'arhat. Alors qu'il était si proche du Bouddha, étant son fils, et qu'il avait, bien sûr, la possibilité de s'adresser très, très facilement au Bouddha. Donc si le propre fils du Bouddha a mis 13 ans pour devenir un arhat, nous devons évidemment nous montrer patients. Donc la question suivante est, la méditation va-t-elle nous permettre de trouver un sens à notre vie? C'est ça. La méditation que nous pratiquons ici a pour but de développer l'attention. Nous allons donc devenir de plus en plus conscients de ce que l'on fait à chaque instant. Et dans la vie, ceci aura des effets positifs, car dans la vie, en général, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est bénéfique si l'on a avantage à s'engager dans telle ou telle activité. On doit considérer son caractère bénéfique. Mais ceci ne suffit pas, il faut également voir s'il est opportun de faire cette action à ce moment-là. Donc ce sont deux choses que nous devons considérer avant de nous lancer dans cette activité. si nous avons développé l'attention au cours de notre pratique, il deviendra facile pour nous, dans la vie de tous les jours, de nous poser ces deux questions avant d'agir ou avant de parler. Et la vie va devenir plus agréable. Lorsque on développe l'attention, l'effort et la concentration, ce que nous faisons ici, nous allons petit à petit devenir capables de ne pas réagir immédiatement lorsqu'il y aura quelque chose qui se passe. Dans la vie de tous les jours, nous aurons la possibilité de voir s'il est opportun de faire cette action et si elle est bénéfique. Il y a comme une espèce de frein qui va nous empêcher de réagir dans l'instant présent. Nous avons un moment de réflexion pour pouvoir moduler notre réponse, et ceci est très précieux. La méditation, donc l'attention, l'effort et la concentration, vont également nous permettre de voir que nous avons fait des erreurs, par exemple. Si nous voyons que nous avons fait des erreurs, nous pouvons nous corriger. Et si nous n'avons pas fait d'erreurs, et si ce que nous faisons est bon et que nous constatons que c'est bon, nous pouvons continuer à faire cette action, cette activité. Donc, toutes ces techniques sont bonnes. Elles sont toutes bonnes dans la mesure où elles nous permettent de réaliser l'impermanence, la souffrance et le non-soi, les trois caractéristiques des phénomènes. Dès le moment où elles mènent à cette compréhension, à cette vision de anicca, dukkha et anatta, on peut considérer que la technique est très bonne. Dans la vie de tous les jours, il faut savoir que la méditation en posture assise développe la concentration. Il est donc important de continuer à pratiquer en posture assise. Mais ce qui est tout particulièrement recommandé dans la vie de tous les jours, c'est la méditation en action, la méditation et la méditation en marche. Ces deux types de méditation sont très appropriés dans la vie de tous les jours. On doit toujours essayer d'être attentif à la posture dans laquelle on se trouve. Et il est recommandé également d'essayer de ralentir un peu les mouvements. La question suivante était: pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer la relation entre le développement des connaissances vipassana et le développement des brahmavihara que sont metta, karuna, mudita et upekkha? Donc, il y a quatre réalités. La première, c'est citta, la deuxième, c'est cetasika, la troisième, c'est rupa, et la quatrième, c'est nibbana. Pour ce qui est de citta, on traduit par conscience, on traduit parfois par esprit. Parfois, en pali, on parle de vijnana. Tout cela veut dire la même chose. Et c'est cet esprit qui précède tout. Mais cet esprit ne se manifeste pas tout seul. Il se manifeste toujours avec des facteurs mentaux que l'on appelle les cetasika. Les exemples de cetasika, c'est dosa, la colère, loba, l'avidité, moha, l'ignorance, tout cela, ce sont des cetasika. Les connaissances vipassana, c'est en fait la sagesse. Et la sagesse, c'est une cetasika. Donc, les quatre réalités ont chacune leurs propres caractéristiques. Pour ce qui est de l'esprit, il a la caractéristique de connaître, de savoir. Il connaît l'objet. Et lorsque l'esprit s'accompagne de panya, il va illuminer l'objet. Et toutes sortes de facteurs mentaux peuvent se manifester dans l'esprit. Il y a par exemple la concentration, qui a pour caractéristique de stabiliser l'esprit. Il y a sati, l'attention, qui a pour caractéristique d'être conscient. Il y a l'effort, qui va donc amener l'énergie. Et lorsque la compréhension, la connaissance vipassana est présente, le facteur qui se manifeste à ce moment-là, c'est panya. Et donc, c'est le metta, l'amour bienveillant, karuna, la compassion, mudita, la joie sympathique, et upekkha, l'équanimité, sont ce que l'on appelle les demeures sublimes, et ce sont également des cetasika. Et lorsqu'on pratique l'amour bienveillant, on va prendre comme objet la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. L'esprit est donc focalisé sur ce concept de la totalité des êtres. L'esprit est accompagné de metta, Et l'objet, c'est la totalité des êtres, un concept. Et la caractéristique de Metta, sa nature, c'est de souhaiter le bien pour les autres. Pour ce qui est de Karuna, la compassion, c'est un peu différent. L'objet est différent. Il ne s'agit pas ici d'avoir pour objet la totalité des êtres vivants, mais la totalité des êtres qui souffrent. Donc l'objet est un peu différent. Karuna, c'est le désir de voir les autres soulager leurs souffrances. Pour Mudita, la joie sympathique, c'est également un peu différent. Upeka, l'équanimité, c'est la capacité à tout accepter de façon équanime. On est capable de faire face à toutes les situations. Il ne s'agit plus d'avoir pour objet ceux qui souffrent, mais bien ceux qui sont heureux, car mudita, c'est la capacité à se réjouir du succès des autres. Donc toutes ces consciences peuvent se manifester et elles sont chaque fois accompagnées d'un facteur mental différent. Il y a par exemple la conscience avec metta. À un autre moment, il y aura la conscience avec karuna, la conscience avec mudita, la conscience avec upeka. Ce sont toutes des consciences colorées différemment. Et donc, ces quatre états sublimes peuvent être pratiqués dans le but d'atteindre de très hauts niveaux de concentration qu'on appelle les jhanas. Mais c'est également une façon d'introduire dans l'esprit des énergies pures. Ce que nous faisons ici, lorsque nous chantons le Metta Bhavana le soir et le matin, c'est simplement essayer d'introduire dans notre esprit des énergies pures. Nous ne pratiquons pas metta dans le but d'atteindre les jhanas. Et donc, il y a une relation entre ces deux pratiques, la pratique de la sagesse, de la compréhension, et la pratique des quatre états sublimes. Par la pratique de vipassana, la méditation qui mène à la compréhension, nous allons petit à petit réaliser les connaissances vipassana, des réalisations à des niveaux très profonds de la nature du corps et de l'esprit. Ayant compris cela pour nous-mêmes, dans notre propre corps et notre propre esprit, nous comprenons par inférence que chez les autres, c'est la même chose. De cette façon, nous développons une espèce de capacité à nous mettre à la place des autres et avoir de la compassion pour les autres. Donc une autre question, c'était, la méditation vipassana peut nous aide à réaliser le non-soi. Quelle est la partie en nous qui décide de méditer, qui prend des décisions, qui respecte les préceptes moraux? En quoi consiste le karma? Y a-t-il une réincarnation? Sayadev va commencer par répondre à la question du karma. Kamma est donc un mot pali, et kamma est synonyme de chetana, la volition. Donc, chaque fois qu'un esprit se manifeste, chetana est présente, la volition. Il y a quelque chose qui va nous pousser à agir. Et cette chetana peut être positive ou négative. C'est pourquoi on dit que chetana, c'est une graine. Quand on plante une graine, y a-t-il obligatoirement un fruit? Ou la plante va-t-elle cette graine va-t-elle automatiquement se développer? Donc, il faut les conditions pour que la graine se développe. Quelqu'un pose un acte volitionnel, intentionnel. Cette intention, cette volition peut être positive ou négative. Quoi qu'il en soit, la graine est semée. Mais cette graine ne va pouvoir se développer que si les conditions sont là. Par exemple, pour une graine, la graine d'un arbre, par exemple, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait du soleil. Si ces choses ne sont pas là, la graine ne va pas pouvoir se développer. Donc, la question était de savoir qui décide de méditer, qui décide de respecter les préceptes moraux. Nous avons donc là les quatre réalités ultimes, les trois premières étant l'esprit, les facteurs mentaux et la matière. Lequel de ces trois est la partie qui décide, etc. C'est l'esprit. Donc l'esprit précède toute chose, c'est l'esprit qui donc est la partie qui qui commande. Mais l'esprit ne se manifeste pas tout seul, il est accompagné de Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara ou Manasikara, c'est la considération. Cette considération peut être sage ou non sage. Les méditants peuvent observer cette Manasikara qui se manifeste en eux. Ils voient alors l'esprit qui se dirige dans une direction ou dans une autre direction. La question était aussi de savoir s'il y avait une réincarnation. Sayali explique qu'il n'y a pas de réincarnation à proprement parler. Il y a la renaissance. Ceci veut simplement dire qu'il n'y a pas une entité permanente qui transmigrerait d'un corps dans un autre. Mais il y a bel et bien renaissance. Pour qu'il y ait renaissance, nous devons revenir à la loi de cause et d'effet. S'il y a une intention, un esprit, pour comme cause, la renaissance va avoir lieu. S'il n'y a pas de cause, pas d'esprit qui désire reprendre naissance, cette nouvelle vie ne va pas se manifester. Les méditants peuvent constater dans la méditation qu'il y a toujours une cause qui précède l'action. Lorsque, par exemple, ils observent attentivement au moment de marcher, ils peuvent voir qu'il y a d'abord l'intention d'avancer le pied et ensuite le pied qui avance. La question suivante, c'était, on dirait que le mental est une personne à part entière. Ce mental réagit, ressent, décide. J'ai l'impression que ce mental est autre chose que la conscience qui observe, l'esprit qui observe. Car parfois, ce mental est un ennemi, parfois, ce mental est un ami. Le mental a-t-il sa propre conscience? Sayali explique qu'il y a toutes sortes de consciences différentes. Il y a la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive, la conscience du goût, la conscience corporelle et la conscience de l'esprit. Mais ces consciences ne peuvent pas se manifester ensemble, c'est toujours successivement. Et à chaque conscience correspond à un objet. Par exemple, pour la conscience visuelle, l'objet, c'est l'objet visible. Pour la conscience auditive, l'objet, c'est le son, etc. Ces consciences ne peuvent donc pas se manifester ensemble. Il n'y a donc pas un premier esprit qui déciderait et un deuxième qui serait dans l'action. C'est chaque fois des consciences différentes. Donc voilà, comme c'est le dernier enseignement aujourd'hui, Sayali vous souhaite à tous de poursuivre votre pratique quand vous serez rentré chez vous et de continuer à progresser. So for all of you who leave tonight, I hope you have a good journey, and I hope that this has served your purposes and that you continue to practice meditation. Sadhu, sadhu, sadhu.